France Inter. François Morel, c'est à vous. Cher Thomas Pesquet, je vous écris une petite lettre afin de vous souhaiter un bon voyage. J'espère que vous n'avez pas été trop déçu d'avoir été obligé de retarder votre départ de 24 heures, mais ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. Moi-même, le mois dernier, je suis allé sur l'île de Sein dans le Finistère avec des copains, et à cause du mauvais temps, pareil, on a été obligé de décaler le départ vu que le bateau de Douarnenez avait été annulé. On en a profité pour aller jusqu'à la pointe du Raz. Il y avait du vent, mais aussi du soleil, et j'espère que hier, vous aussi, vous avez pu en profiter pour faire un peu de tourisme, surtout qu'en Floride, il doit bien y avoir aussi des jolis coins à visiter. Vous allez donc rester 6 mois dans une capsule, et personnellement, j'ai déjà passé 1 heure bloqué dans un ascenseur, et c'était déjà 1 heure de trop, même si ça me fait une anecdote incroyable à raconter. J'avais rendez-vous avec Anne-Marie Miéville, qui est cinéaste, et par ailleurs, la compagne de Jean-Luc Godard. Entre 2 étages, l'ascenseur s'est bloqué, et Anne-Marie Miéville, en attendant le dépanneur de chez Otis, par solidarité, est venue me parler dans la cage d'escalier pour évoquer le rôle qu'elle pensait me confier et aussi pour que je ne sois pas trop angoissée. L'ascenseur avait une glace opaque et à un moment donné, j'ai aperçu la silhouette de Jean-Luc Godard qui, attentionné et craignant que sa compagne ne prenne froid dans l'escalier non chauffé de l'immeuble, a déposé un châle sur les épaules d'Anne-Marie Miéville. Et je voulais vous raconter cette anecdote parce que, en restant pas très loin de chez soi, on peut vivre des événements tout à fait extraordinaires. Le rôle, par ailleurs, je ne l'ai pas obtenu car quand je suis sorti de l'ascenseur, Anne-Marie Miéville m'a dit que j'étais bien trop jeune pour jouer le personnage auquel elle avait pensé. Ça m'a un peu déçu, mais vaut toujours mieux être trop jeune que trop vieux. Voilà. Finalement, cette expérience m'a montré que j'étais moins claustrophobe que ce que je croyais. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. De toute façon, on ne peut pas vraiment comparer mon passage dans l'ascenseur d'Anne-Marie Miéville et votre séjour dans la station spatiale, vu que vous êtes 4 à partir et que si vous vous ennuyez, vous pourrez toujours faire une petite belote. Et qu'en plus de ça, pendant votre périple, à 4 reprises, vous allez pouvoir sortir de la capsule afin de vous dégourdir les jambes sans être obligé d'attendre un dépanneur de chez Otis. À propos, un petit conseil. Renseignez-vous afin de savoir si votre lieu d'atterrissage dans 6 mois sera bien le même que votre point de décollage. Je vous dis ça parce que pour l'île de Sein, on a embarqué à Douarnenez, comme je vous le disais, mais on a débarqué à Audierne. Heureusement, il y avait une navette pour nous ramener à Douarnenez. J'espère que si vous êtes affronté à ce même genre de problème, la NASA sera aussi bien organisée que la compagnie maritime Penarbed. Bon voyage, Thomas. Donnez-nous de vos nouvelles, faites-nous de belles photos. À l'occasion, je vous montrerai celles que j'ai faites sur l'île de Sein. France Inter.